Véronique, on a loa, Pauline, on a loa. Je joue le mouma. Mambo et Yawede Kousso, je joue le mame Fouroume. O te ma kanji, on a mbolo nyambo, wambo to malen kose o te lo. A kombe mbilo de la le, ala nengo nya soka ye. O lungo kata, kete kichi ya soka. Jilo songo, Terese Tembo, Mero Kito, na chose le gang. Joël Foton Betenge Koroma Tele, Konrad Otenga, Mukwa Otimba Mokondi à Château Rouge, Jacques Inson. Les colons tatou et à l'effoula, la yo commando la locha, les colons tatou à Katako, la yo commando la jalo, Polondo de la Tumbe Mama, Polondo la Wangonia Mama, Loupe Funya Soka. Le son qui sort qui va cantar les balles, on va cata qui souki, dani seke seke. Ou à maman, yo yo kenye nemba, londo lolo de wolo. Lokombo la mi mana chante, lo soma wana loa papa, wa maman ya soka, anane mbonya soka. J'ai appris de anzaka, maman ma foulare, ma vali. Ou à maman, yo yo kenye nemba, londo lolo de wolo. Lokombo la mi mana chante, lo soma wana loa papa, wa maman ya soka. C'est la météo, au solo c'est la météo, au solo c'est la météo, au contrôle la combi, Jean-Charles, papa le Lilo Mumba, papa au Kitankoy Paul. C'est la météo, lo saque foulard.